Audiomatique. Nous avons amorcé la transmission 229 d'Audiomatique avec la chanson Conocidos, interprétée par le groupe américain Illabamba, originaire de Portland en Oregon et menée par la chanteuse Luz Elena Mendoza. La pièce Conocidos est extraite de leur cinquième et plus récent album, Mujeres, paru le 8 février 2019. Les sonoristes vous souhaitent la bienvenue à Audiomatique, une émission de contenu sonore qui, justement, laisse toute la place au son. Further in the tape, I came across another part that made me throw my headphones right off my head. I couldn't believe what I heard. Led Zeppelin's Stairway to Heaven again was voted the most popular tune of rock's history. Keep that in mind as I share this taped excerpt with you. In the lyrics of the song, they sing the Piper is calling you to join him. She's buying her Stairway to Heaven. We know that's not possible. This is where the subliminal message comes in that we've been talking about in the previous interview. The subliminal message is a satanic message that was put on their records in reverse. The needle will go in the opposite direction. You say that I've never heard of anything like that before. Probably not, but many, many people have. What I'm talking about, and you're going to hear it in a few moments. They sing backwards in human voices. We'll be right back. cette séquence de trois pièces se terminait sur la musique de X-Ray qui s'écrit E-X-R-E et qui se prononce X-Ray, donc qui est le projet solo d'Elena Tonra, qui est la chanteuse du groupe Daughter. De son premier album homonyme X-Ray, sorti tout récemment, nous entendions la pièce I Can't Keep You. Avant X-Ray, c'était Eden Orchestra et Out of Nowhere, une composition qui paraît sur le premier album Nightwalks, sorti en 2010. Et pour commencer, nous écoutions la pièce Repelish de Mogwai, tirée de leur album Rave Tapes. Cette section temporelle de la transmission 229 d'Audiomatique est introduite à l'instant par le duo français Hypersensible. Cette section temporelle de la transmission 229 d'Audiomatique est introduite par le groupe Dir Ouf. The trumpet scatters its awful sound over the graves of all lands, summoning all before the throne. Death and mankind shall be stunned when nature arises to give account before the judge. We'll be right back.

Il revenait au groupe anglais Beak de clore ce segment musical à Audiomatique avec leur composition Wolf's Den 2, tirée de leur deuxième album. Beak est bien sûr formé de Billy Fuller, Will Young et Jeff Barrow, leader de Portishead. Précédemment à Beak, il s'agissait du groupe californien Dear Oof, de qui nous entendions la pièce This Magnificent Bird Will Rise, de leur quatrième album Reveille, paru en 2002. Audiomatique, laissons-nous maintenant porter par la musique empreinte de spiritualité composée par l'artiste Alice Coltrane. venons d'entendre à Audiomatique une longue pièce de la jazzwoman Alice Coltrane, la veuve du célèbre John Coltrane. La composition Isis and Osiris se retrouve sur l'album Journey in Sachidananda, réalisé avec Pharoah Sanders et paru en 1971. Rappelons qu'Alice Coltrane est décédée en janvier 2007. Quand le groupe australien The Birthday Party se sépare en 1983, après 5 ans d'existence, on assiste à la formation d'un autre groupe qui deviendra majeur, soit Nick Cave and the Bad Seeds. Après avoir quitté The Birthday Party, Nick Cave et Mick Harvey se sont joints à Blixa Bargell, guitariste du groupe allemand Heinsturzende Neubauten, à l'artiste anglais Barry Adamson, ex-bassiste du groupe Magazine, au guitariste australien Hugo Race et sa compatriote, la chanteuse Anita Lane. Ensemble, ils font paraître un premier album en 1984 intitulé « From Her to Eternity ». De cet album, nous entendrons pour conclure cette transmission 229 d'Audiomatique la chanson « Saint Hawk ». La transmission 230 d'Audiomatique prendra forme en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique CFOU afin d'accéder aux transmissions précédentes. Voici Nick Cave and the Bad Seeds et la chanson Saint Hawk, c'était Audiomatique avec les sonoristes. Achtung! Say that goes on a dog's leg now. You know the story. You wake up one morning and you find you're a burger. Blowing smoke rings and sun dive. Your fingers hot and itching. You're cracking your knuckles. Your bull neck bristling. Still hockey benches on whistling. And death reckons Huckleberry's time is up. Watching wallet gone, skin shrink wraps his skeleton. No wonder he gets thinner. What with his hot and skinny dinner? See, look, the scene over, sir. See, look, the scene over, sir. Do you recall that song you used to sing along? Shipping the river trade on that old steamer. A life is but a dreamer. You're trading the mighty old man river for the dirty old man latrine. The brothel shifter. The hustle and the bustle and the greenbacks rustle. And all the sexy cash. And the randy cars. And $2 fuckers. Just don't care that in the pocket of the jacket is a chamber. Let Bella sleeps in there. Wake up! And a hook whistles and he kneels and he lays down there. See you, Huck. Good luck. A smoke ring hovers above his head. And the rats and the dogs and the men all come and put a bullet through his eye. And the drip and the drip and the drip of the Mississippi crying. And St. Huck hears his own.